le signe de son jar, c'est la kasra. Et pour le musanna, tu dis quoi? Zahabtu ilal mudarrisayni. J'ai été vers les deux professeurs. Et le signe de son jar, c'est quoi? Al-ya. D'ailleurs, là c'est ma forme. Il dit agir en asilatil atiya mustamilan et musanna. Donc réponds question suivante en utilisant le musanna. Tfaddal, je suis l'awel. Kam akhannak? Combien as-tu de frères? Li akhani. C'est quoi le musanna de akh? T'es tombé dedans. Akhun. Musanna. Le musanna. De akh. Khawani. Ay khawani. Attention. Et ab, c'est pareil. Abawani, tu dis pas akhani ou abani, tu dis akhawani ou abawani. Nam. Donc kam akhannak, tu dis li akhawani. Nam, li akhawani. Et l'akhawani, le mansoum ou le majrour ou le marfou? Li akhawani. Il est quoi là? Il est marfou? Nam, c'est un mutada mouakhar. Ahsant. Thanian, kam kitaban indaka? عندي كتاباني. نعم. لو كلابري كتاباني لمرفوع إلى مبتدا مؤخر. ثالثا كم طالبا جديدا جاء اليوم؟ Combien de nouveaux étudiants sont venus aujourd'hui? Eux te le mettent au singulier, mais en français on ne peut pas le faire. On va le mettre au, on obligé de le mettre au pluriel. جاء اليوم طالبان جديدان. نعم. Donc aujourd'hui sont venus deux nouveaux étudiants. Et là طالبان لمرفوع. Pourquoi? Parce qu'il est فاعل. رابعا كم درسا بقي في الكتاب؟ Combien reste-t-il de cours dans le livre? Baqiya fil kitab darsani. Naam, il reste dans le livre deux dars. Donc là, darsan, il est fa'il de baqiya. C'est le sujet de baqiya, donc il est marfou. Khamisan, kam taliban kharaja min al-fasl. Combien d'étudiants sont sortis de la classe? Kharaja min al-fasl talibani. Naam, donc là, talibani, sorti de la classe deux étudiants. Et talibani, il est quoi? Il est marfou parce qu'il est fa'il de kharaja. Sadisan, كم رجلان مات في الحادث؟ Donc combien d'hommes sont morts dans l'accident? Hadith, c'est accident. مات في الحادث رجلان. Non, donc deux hommes sont morts dans l'accident. Et رجلان il est marfou parce qu'il est fa'il de مات. Tamam. رابعا أجيب الرسالة الآتية مستعملا المثنى. Donc pareil, tu dois répondre aux questions suivantes avec le مثنى. Sauf que là ça peut être marfou, attention. طيب أولا كم لغة تعرف؟ Combien de langues connais-tu? A'arifu lughatayni. Non, je connais deux langues. Elle est mansoub, ma folbi. Thaniyan. Kam suratan hafista ou hafisti ya Maryamu? Combien de surat as-tu mémorisé au Maryam? Hafistu suratayni. Non, donc là aussi les mansoub, ma folbi. J'ai appris deux surat. Thalithan. Kam risalatan katabta ya Ahmedu? Combien de lettres as-tu écrit au Ahmed? Non, mais j'ai écrit deux lettres. Ma folbi, pareil. Thalithan, ou rabi'an, kem hayyatan kotelta ya'ammi. Donc, combien de serpents as-tu tué, oh mon oncle? Koteltu hayyatayni. Non, j'ai tué deux serpents. Ma folbi, pareil. Khamisan, kem doftara nishtaraita ya'akhi. Combien de cahiers as-tu acheté, oh mon frère? Ishtaraitu doftaraini. Non, j'ai acheté deux cahiers. Ma folbi. Thalithan, كم سؤالين سألك المدرس؟ Combien de questions t'a posé le professeur? سألني المدرس سؤالين. نعم, le professeur m'a posé deux questions. سابعا, كم طائرتين رأيت في المطار؟ Combien d'avions as-tu vu dans l'aéroport? رأيت في المطار طائرتين. نعم, j'ai vu à l'aéroport deux avions. Ma faute bi mansoub. ثامنا, كم منديلا غسلت Ti rassalat urtuka. Combien de mouchoirs ta sœur a-t-elle lavé? Rassalat urti min dilaini. Non, ma sœur a lavé deux mouchoirs. Tasian, ken mouchtan turidu. Combien de peignes veux-tu? Uridu mouchtaini. Je veux deux peignes. Je crois que tu peux dire aussi misht avec une kasra. Ashiran, ken Mikhaddatan ala saririk. Combien d'oreillers sur ton lit? Ala sariri mikhaddataini. Mikhaddatani. Aïwa. Moutalem ou akhar. Taïb, ma fouma ala andek. Khamisan. Ajib an asilatil atiya mustamilan musanna. Donc là, pareil, tu dois répondre aux questions suivantes en employant le duel, le musanna. Awalen. Bikam